Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Les philosophes emprisonnés, une série d'Élise Gruot réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a Voltaire prisonnier. À 23 ans, il a fait d'insolents vers de Mirliton contre les amours du régent. Sorti de prison, c'est décidé, désormais, il écrira des choses qui pèsent. Quitte à être enfermé, que ce ne soit pas pour rien. Mais il y a aussi cette idée. Comment la pensée négocie avec la captivité et pourquoi le pouvoir ressent le besoin de mettre les idées à l'arrêt. Et puis, il y a des trajectoires qui font comme une drôle de généalogie. Averroès, Solzhenitsyn, Sade, Bacon, More, Montaigne, Proudhon, Stern, Gramsci, Delbault, Tillon. Et enfin, celui qui pensait en marchant, Socrate, qu'on a eu beau enfermer, sa pensée s'est échappée. Alors pour commencer, les personnages. Le meilleur des citoyens, un philosophe qui n'écrit pas, un guerrier, un disciple, celui qui ne sait pas, un archéologue, des historiens, un guide et des écrivains. Ensuite, le décor. Salamine, Marathon, le Pnyx, un chauffeur philosophe, le son de la pluie, la foule, des boutiques de cordonniers, l'acropole et les rues d'Athènes. Aujourd'hui, premier épisode, on cherche l'agora. Des justes, injustement condamnés. Non seulement l'histoire d'Athènes ou de la Grèce antique en fournit des exemples, mais la suite aussi. Il est fascinant parce qu'il est énigmatique. On ne sait pas qui il est exactement. Issu de l'oralité, comme les tout premiers philosophes, les philosophes dits présocratiques, n'est-ce pas ? Et qui parle ? Il a la parole publique parce qu'il marche dans l'agora et il parle aux jeunes. Et qui dit des choses étranges. En plus, il ne sait pas ce qu'il sait. Et c'est pour ça qu'il sera accusé et il sera mis à mort. Socrate, mort et naissance du philosophe. Élise Gruot, Angélique Thibault. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois un peu en dehors de la cité, tout en étant dans la cité. Qu'est-ce qui fait de cette mort l'événement majeur qui aurait fondé la philosophie occidentale ? Les chemins qu'on suit pour remonter, ce sont des chemins neufs qui ont été construits quand l'acropole est devenue un site archéologique. Socrate, c'est un Athénien. Faire attention parce que ça glisse, hein, le mât. Ce qui est frappant, c'est que on doit imaginer qu'au début, plusieurs décennies après sa mort, les Athéniens reparlent de son procès. En montant sur la colline, il n'y avait pas de chemin. Ce procès a marqué la mémoire animaux, des Athéniens, indépendamment de ce que nous racontent les, animaux, les disciples après, de Socrate, qui évidemment ont fait le mythe fondateur de la philosophie, hein, cette cité démocratique qui met à mort le meilleur de ses citoyens. C'est évidemment au cœur de la légende socratique telle que l'a construite Platon. On doit imaginer que l'Antiquité, les portes du temple ouvrent et les Athéniens peuvent voir de loin une grande statue en or en ivoire de la déesse Athéna. Donc vous devez imaginer qu'ils sont vraiment très impressionnés la réflexion du soleil sur l'or et l'ivoire de la statue de la déesse Athéna. Ce qu'on sait sur lui en fait se résume à assez peu de choses. On sait qu'il est né autour de 470 avant notre ère à Athènes, qu'il meurt en 399 à la suite d'un procès qui lui a été intenté. Et entre ces deux dates, on connaît quelques épisodes marquants de sa propre vie parce que essentiellement Platon et Xénophon en parlent. Une des grandes difficultés, c'est de réconcilier ce que ses disciples nous racontent à son sujet et ce que les Athéniens pouvaient imaginer de Socrate, la façon dont il se le représentait. Vous avez trouvé Socrate déjà ? Non, pas encore. Elle est morte. Elle est empoisonnée. C'est tout. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Socrate ? Je ne sais pas. Par exemple, ils disent qu'ils croyaient en Dieu, les autres, la mythologie, ils disaient qu'il y a 12 dieux. Après, il a pris un poison. Même ses élèves lui disent ne faut pas boire, il a dit oui, je vais boire le poison, je vais mourir. Parce que lui, il croit un seul Dieu. La mythologie grecque d'avant, ils disent qu'il y a 12 dieux. Lui, il est contre ça. Et qui est-ce qui a décidé de le tuer ? Non, pas le tuer, c'est lui qui a décidé. C'est comme ça que vous avez appris l'histoire de Socrate ? Ouais. Et c'est où est-ce que vous avez appris l'histoire de Socrate ? Avec les gens, avec les Grecs. Vous habitez depuis longtemps ici à Athènes ? 18 ans. 18 ans. Et vous venez d'où ? D'Algérie, de Kabylie. C'est comme Matoubounis. La liberté. Socrate est un personnage le destin. Relativement mystérieux, si vous voulez, dans la mesure où Claude Mossé, c'est un grand philosophe. Il n'a jamais rien écrit. Il a dit, je connais tout, je connais. En fait, je connais rien du tout. Ça veut dire, dans la vie, tu connais rien du tout. Malgré tout. Tu viens, tu vois et tu meurs. Comme a dit Platon. Dans une certaine mesure, le personnage de Socrate est une construction. Tu es venu, tu vas voir, tu vas mourir, c'est tout. Des écrivains du IVe siècle. Traditionnellement, à son époque en tout cas, et en particulier quelqu'un comme Aristophane, le classait parmi les sophistes. Effectivement, des philosophes attirés par la splendeur d'Athènes, car il est bien certain que l'Athènes, en particulier de l'époque de Périclès, avec la construction des monuments de l'Acropole, avec le développement du théâtre, de l'art, de la sculpture, et puis la puissance matérielle aussi, avec une flotte considérable, une puissance qui s'était manifestée en particulier quand Athènes s'était trouvée aux prises avec les Perses, et avait donc remporté ces deux fameuses victoires de Marathon et de Salamine qui avaient permis à Athènes d'imposer sa domination sur une partie du monde égéen. Everything starting from Greece. Mathematics, philosophy, science, doctor, everything. Greece is number one. Comme si les Athéniens disent à tout le monde, regardez ce qu'on a pu construire. Imaginez que les ennemis qui arrivent du port, ils peuvent voir de loin le Parthénon, de loin avec la réflexion du soleil. Ils n'avaient pas l'impression d'un bâtiment qui est vraiment très lourd, hein, imposant. Ils avaient l'impression d'un bâtiment léger, suspendu entre le ciel et la terre. Hein. Imaginez, Athènes, sur une grande colline, au 5e siècle, un temple énorme. C'est le grand siècle triomphant de la démocratie athénienne. Ce régime qui s'est mis en place à la fin du 6e siècle, Athènes s'impose hein, pendant tout ce siècle comme la grande cité qui domine l'essentiel de la mer Égée. Donc de nombreux Grecs venus d'Asie mineure, des îles égéennes, se rendent régulièrement à Athènes, qui est un peu comme ça la capitale culturelle et économique du monde grec au 5e siècle. Une cité immensément grande, construite autour d'un noyau urbain, densément peuplé, et un espace rural de très très grande dimension, donc, qui va donc d'Athènes jusqu'à ce qui est aujourd'hui Marathon, un peu plus de 40 km de la ville même d'Athènes. Les Athéniens étaient assez durs, hein, malgré le fait que c'était une démocratie, étaient très durs avec ceux qui doutaient du régime démocratique. Takis Theodoropoulos. Et la comédie avait le droit de ridiculiser tout, sauf le régime. Bon, Socrate n'attaque jamais le régime démocratique, mais il fait une autre chose. Et je crois que c'est de là que ça vient sa modernité. Il casse la géométrie de la cité. Si vous allez sur l'Acropole et vous regardez autour de vous le site, vous voyez qu'il y a une géométrie très précise. L'Acropole, c'est le centre de la ville, de la cité, c'est le centre sacré, c'est les temples. Bon. Sur le nord, il y a l'agora, c'est l'espace profane, l'espace du quotidien, des échanges, des commerçants, des commérages. Juste en face, c'est Pnyx. C'est la colline de la démocratie. C'est vraiment la colline. À l'ouest, il y a la Pnyx. C'est la politique. C'est la colline où c'est là où se tient l'assemblée de voter des citoyens. Les lois ou de prendre les décisions qui concernent la ville entière. Et c'est là où on prend les grandes décisions. À notre droite, tout en bas, il y a l'ancienne agora. Et au sud, il y a le théâtre de Dionysos. Ça, c'était le centre administratif, commercial et philosophique de l'Antiquité. Les philosophes qui discutent. Qu'est-ce qu'il fait, Socrate? Socrate qui développe aussi ses théories. D'abord, on ne voit jamais Socrate parler à l'Assemblée, devant le peuple, devant le démos. Socrate, il parle politique à l'agora. Entre amis, c'est-à-dire il casse cette règle que si on veut parler politique, il faut aller à la Pnyx. Il crée en fait une institution qui est hors de toutes les institutions admises par la cité pour son organisation. On peut dire que c'est, il a formé cette institution qui n'est pas exactement une institution, qui est la classe des intellectuels. Donc, il crée une sorte, pas d'utopie, mais d'atopie. Ça, pour un Athénien, c'était un crime, un délit. Quand tu es citoyen, tu es obligé de faire de la politique. Tu es obligé d'aller voter. Tu es obligé de parler. La cité n'accepte pas ça. Pour le bien commun, on vote à l'Assemblée. En dehors de ça, il n'y a rien. Et ça, ça effrayait les Athéniens, parce que si on ne peut pas placer quelqu'un, on ne peut pas lui trouver une place. C'est le premier qui essaye de créer, pas un système, parce que Socrate n'a pas créé un système, mais une attitude qui participe aux politiques sans être politique, en se référant à des valeurs qui débordent du politique. Donc, ce n'est pas une question de vote, la vérité. On ne peut pas voter que la terre est plate. Si, on peut, mais bon, on le voit tous les jours. Je veux dire, la vérité est autre chose. Il faut la chercher ailleurs. Et c'est en cherchant la vérité qu'on va pouvoir juger de notre vie politique. Studi lui Socrates e zgoz Platon, eh? Platon. And after the best studi lui Platon, it was Aristotelian, no? Yeah, yeah. I don't know where the spirit of these guys going, you know? We lose it. Socrate, il venait par là. De toute façon, les échoppes des artisans qu'il fréquentait sont de ce côté-là. Vous voyez, Athènes avait cette colline. Enfin, là, cette colline. Alors, à cause de ça, toutes les grandes capitales après, enfin, Rome, Constantinople, devaient avoir cette colline. Donc, le mont Lycavette est l'une des collines. Il y a une église là-haut. Il n'y a pas de site archéologique. Hélène Perdicouri, où est-ce qu'on se trouve ici pour parler? Nous sommes dans un temple, le Thésaïon, donc le temple de Thésée, le roi mythique d'Athènes, le fondateur, si vous voulez, d'Athènes. Mais il paraît que les archéologues considèrent, enfin croient, qu'en fait ce temple était consacré à Héphaïstos et non pas au roi Thésée. Et en fait, Socrate, il se baladait par là, donc c'est un bon endroit pour parler de lui. Bon, Socrate est un personnage particulier. Alors, c'est quelqu'un qui s'habille dans un habit ou un manteau rugueux pendant toute l'année, qui marche pieds nus et qui fréquente les échoppes des artisans pour parler aux jeunes gens, parce que les jeunes gens ne sont pas admis à l'agora avant 21 ans, donc ils circulent autour. Et je suppose que c'est aussi une manière pour Socrate de casser l'arrogance de la jeunesse dorée d'Athènes. C'est une classe de gens qui se croient supérieurs aux autres parce qu'ils ont l'argent pour fréquenter les sophistes qui sont très chers, n'est-ce pas ? Pour apprendre la bonne manière de parler, pour persuader les gens dans l'assemblée du peuple à suivre une ligne d'action plutôt glauque. Donc Socrate devait être très bizarre pour les gens de son époque. Je ne sais trop, Athénien, quel effet mes accusateurs ont pu produire sur vous. C'est le premier intellectuel, je veux dire un intellectuel tel qu'on l'a connu après le siècle des Lumières. C'est le premier qui essaye de créer, pas un système, mais une attitude. Pour moi, en les écoutant. Qui participe aux politiques sans être politique. J'ai failli oublier qui je suis, tant leur discours était persuasif. Et pourtant, sans exagérer, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai. Mais parmi tant d'inventions, voici ce qui m'a le plus étonné. C'est qu'ils vous aient prévenu d'être sur vos gardes et de ne pas vous laisser tromper par moi en me représentant comme un discoureur habile. Vraiment, pour s'exposer ainsi sans honte à se faire immédiatement convaincre de mensonges, quand j'allais me montrer absolument incapable de bien parler, quelle impudence ne faut-il pas ? À moins peut-être qu'il n'appelle habile à parler quiconque dit la vérité. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Ce qu'on appelle le Socrate historique, c'est-à-dire le vrai Socrate, mais comme il n'a jamais écrit, on ne peut procéder que par témoignage. Et puis, la figure de Socrate telle qu'elle subsiste dans la philosophie. Monique Dixo. Alors, nous avons des textes écrits par les disciples de Socrate, ceux de Xénophon, grand guerrier, un cavalier, qui admirait Socrate et qui a écrit les Mémorables et l'Apologie de Socrate, c'est-à-dire le récit du procès de Socrate. Et puis nous avons évidemment les dialogues de Platon dans lesquels Socrate est le personnage derrière lequel s'efface Platon. Des textes de Xénophon, on peut dire que ce sont des témoignages. Je ne crois pas que le mot puisse s'appliquer au dialogue de Platon. Pourquoi ? Parce que Platon était un génie et qu'il a sa propre philosophie, ce que n'était pas Xénophon, qui avait fréquenté les sophistes avant de fréquenter Socrate. Lorsque Xénophon admire Socrate, on admire la sérénité devant la mort, et plus que la sérénité, même une espèce de joie. Et Socrate lui aurait répondu, parce qu'elle va me permettre d'échapper aux maux de la vieillesse. Et aurait dit Socrate, quand il n'y a que des mots à attendre, comment trouver du plaisir à vivre ? Si on lit Platon, et en particulier le Phédon, qui est le récit du dernier jour de Socrate dans sa prison, ses amis viennent le trouver et lui reprochent de sembler se réjouir de les abandonner. Et Socrate, à ce moment-là, se défend en leur expliquant que la mort n'a pas le pouvoir de l'empêcher de faire ce qu'il a toujours fait. Et face à la mort, bien, il va toute la journée précédant le moment où il va avaler la ciguë et mourir, toute cette dernière journée, il l'a passée à se demander ce que cette chose, la mort, pouvait bien être et ce qu'elle signifiait pour l'âme. Vous voyez bien que dans un cas, on a une sorte de sagesse humaine, c'est le Socrate de Xénophon, et dans l'autre, on a quelqu'un qui jusqu'au bout à continuer à faire, comme il dit, ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire à philosopher. Autrement dit, pour Xénophon, Socrate est un sage, pour Platon, c'est un philosophe. Donc, en effet, il y aurait dans la mort de Socrate quelque chose de, une signification différente. C'est ce que dit Foucault dans son dernier séminaire, qui se nomme le courage de la vérité, et Socrate en est évidemment pour lui l'incarnation, et il dit, après tout, c'est bien la mort de Socrate, la signification de cette mort, qui est fondatrice du discours philosophique, de la pratique philosophique, de la rationalité philosophique. Vous voyez, la connaissance n'est pas une boîte où il y a tout dedans, comme la boîte de Pandore. Je crois que les gens qui font la philosophie, comme moi, espèrent qu'il y a la vérité, qu'on va trouver la vérité, mais ce n'est pas une pièce de connaissance. Alors, ce procès intervient en 399 avant notre ère, c'est-à-dire 5 ans après le grand événement traumatique pour les Athéniens qu'a représenté la défaite lors de la guerre du Péloponnèse et la défaite contre Sparte. Et il est évident que le souvenir de la guerre du Péloponnèse et surtout le souvenir de la guerre civile qui a suivi la guerre du Péloponnèse, donc en 404-403, rejoue et sont à l'arrière-plan du procès qui est intenté à Socrate. Alors qu'est-ce qu'on sait précisément sur ce procès ? On sait que un individu, un beau jour, du nom de Mélétos, se rend auprès d'un magistrat athénien et lance une accusation pour impiété contre Socrate. Ce magistrat, l'archon III, a dû faire venir à lui Socrate et son accusateur, et à partir de l'accusation de Mélétos, il a considéré que celle-ci était suffisamment fondée en droit pour qu'elle donne lieu à un procès. On a, heureusement, l'acte d'accusation dans sa forme complète, telle qu'il a été déposé par Mélétos. C'est assez miraculeux. Et sur cet acte d'accusation, Mélétos accuse Socrate d'impiété. Il l'accuse de ne pas reconnaître les dieux de la cité, d'introduire de nouvelles divinités, et il l'accuse de corrompre la jeunesse. Socrates ist ein also Grundstein der griechischen Philosophie. Den Mut, Socrate, also, c'est la pierre de fondation de la philosophie grecque. Il symbolise le courage de suivre sa loi intérieure. La loi de l'éthique. Le courage de suivre sa loi intérieure. Oui. C'est Socrate pour vous. Yeah. Und warum war Socrate getötet? Weil eben die Wahrheit sagen wollte. Überall die Wahrheit suchte. Il voulait dire toujours la vérité. Suchte etwas Stabiles, il la cherchait partout. Socrate cherchait quelque chose de stable dans lequel l'esprit humain puisse s'ancrer solidement, où l'esprit trouve un port. Welche ist Ihre Meinung über die Demokratie heute? Die Demokratie heute ist eine vergewaltigte Frau. Das ist der Tag der Frauen heute. La démocratie est une femme bafouée. C'est la journée de la femme aujourd'hui. Et je suis très triste. La démocratie est un concept violenté qui vit un jour et se fait toujours assassiner. Der einst gelebt hat und heute immer wieder getötet wird. La démocratie vit comme un idéal. Lebt als Ideal. Elle est où la démocratie? Avant, chez les Grecs. Avant, maintenant il n'y a pas de démocratie. Même plus les pieds devant. Pourquoi il n'y a plus de démocratie? Parce que c'est l'argent, il n'y a pas de justice. C'est le point de l'or qui règne. C'est quoi la démocratie? C'est la liberté. la justice. Une fouille urbaine. Ouais. Les gens qui vont travailler de Pirée jusqu'à Athènes passent comme ça au milieu des fouilles de, la, oui. de l'Athènes antique. Oui, exactement, chaque 4 minutes. Vous voyez les, comment est-ce qu'on dit, là, the rails? Les rails? Oui, les rails sont à peu près 1,5 mètre en haut des ruines où nous sommes maintenant. C'est le centre d'Athènes antique. On descend, 7 mètres. John Kemp. En 1931, on a commencé les fouilles et on a détruit à peu près 350 bâtiments modernes. Et après, on a fouillé 5, mais 7 mètres jusqu'au niveau antique. Pour atteindre le cœur de la oui, démocratie athénienne. Exactement, pour voir la place et tous les bâtiments de la démocratie. Ici, nous sommes sur la plus grande route dans l'ancienne Athènes. Vous venez de la porte principale. Il passait par l'Agora jusqu'à l'Acropole. Et c'était la voie panathénaïque, puisque le, comment est-ce qu'on dit, la procession, le parade, pour Athéna, a passé par là. Alors. Thank you, Rex. Voilà. C'est ici où a commencé le procès de Socrate. Socrate s'est présenté ici même où nous nous trouvons, oui, avec ses accusateurs. Avec son accusateur Mélétos. Seulement pour voir s'il y avait assez de raisons pour l'avoir le procès. L'agora, c'est avant tout un grand espace vide. Une grande place bordée par les principaux bâtiments qui accueillent les institutions publiques. Alors nous sommes ici où il y a une épigraphie qui est la délimitation entre la place et tout le reste d'Athènes. Et ça dit en grec, je suis la limite de l'agora. Se tiennent périodiquement la plupart des marchés. Donc c'est un lieu dans lequel on se rassemble à la fois pour participer à la vie politique et aussi pour, dans la vie quotidienne, pour discuter. C'est un lieu de sociabilité. Et donc on signifiait la limite entre la partie un peu sacrée politique. À quoi ça servait de symboliser aussi fort la limite? Oui, c'était comme une place un peu sacrée. Il y avait les bornes et il y avait des bassins de l'eau. Comme vous voyez, quand vous allez dans une église, il faut laver les mains un peu. Il y avait la même chose ici, on appelle en grec un périranthyrium. À chaque entrée à la place, il y avait un périranthyrium pour nettoyer un peu les mains avant d'entrer dans cette place qui est un peu sacrée. Socrate, ben on le voit en permanence se poser dans un coin de l'agora pour discuter, dans les espaces publics d'Athènes, avec des jeunes gens, sous des grands portiques, dans des jardins, parfois chez des individus, en train d'enseigner. Et tout près, vous voyez un bâtiment, les ruines d'un bâtiment du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on sait de Xénophon et de Diogenes Laertius, qu'il y avait tout près de la gloire un magasin de Simon le cordonnier où aller au Socrate quand il voulait avoir des rendez-vous avec les jeunes gens qui n'étaient pas permis d'entrer dans la place de la gloire. C'est comme une école informelle pour Socrate. Et dans cela, on a trouvé l'équipement, certainement des clous pour les souliers, des choses comme ça, et les sandales. Et nous avons trouvé aussi une coupe, et sur la base, c'est écrit le nom de Simon. Le procès se déroule en deux phases. Dans un premier temps, les juges était amené à statuer sur la culpabilité ou pas de Socrate. La deuxième phase du procès impliquait que chaque partie propose au juge athéniens, donc aux citoyens, quelle serait la peine infligée aux condamnés. Mélétos, l'adversaire de Socrate, propose la mort. Et Socrate, logiquement, doit proposer une contre-peine. Et c'est seulement entre ces deux peines qui sont proposées que les juges peuvent trancher. Et Socrate aurait proposé d'abord d'être nourri aux prytanées, un des plus grands honneurs que la cité peut octroyer à un de ses bienfaiteurs, et puis, semble-t-il, il se serait repris et aurait proposé de payer une amende. Ce qui est certain, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque même Xénophon, le disciple de Socrate, le dit. Si Socrate avait proposé l'exil, évidemment l'exil lui aurait été accordé. C'est exceptionnel dans l'histoire judiciaire athénienne qu'on condamne à mort un individu. Donc, les juges l'ont sanctionné en votant la condamnation à mort. John Kemp, on a trouvé refuge sous un arbre parce que la pluie nous accompagne. C'est en bordure de cette agora que se trouvera la prison dans laquelle Socrate se retrouvera à la suite de son procès et avant que sa peine soit exécutée. Où est-ce qu'on se trouve ici ? Alors ici, nous sommes dans un grand bâtiment du 5e siècle avant Christ. Il y avait un couloir central avec des pièces sur les deux côtés. Peut-être il y avait le prison des Athéniens. Oui. Et on a trouvé dans une des pièces, on a trouvé des petites bouteilles pour les médicaments. Et peut-être c'était la ciguë qu'on a donnée à Socrate pour le tuer. Qu'est-ce qu'on sait de Socrate en prison ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons deux, trois dialogues de Platon. Il y avait accès à tous les amis pour visiter. Juste avant qu'on a tué, qu'il a pris le ciguë, il a fait un bain soi-même. C'était pas nécessaire pour les femmes ne pas de laver son corps. C'est tout près de l'agora et des tribunaux. Socrate a été quelqu'un qui voulait bien parler dans la cité pour persuader le peuple d'Athènes qu'il faut toujours réfléchir de nouveau. Rien n'est certain, il faut réfléchir. Pavlos Kontos. Alors la mort de Socrate a été pour tous les disciples un choc irréparable. Toute la philosophie de Platon, d'une certaine façon, est la réponse à la mort de Socrate. Il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un qui aimait Athènes, qui ne voulait jamais quitter Athènes, dont toute la vie avait comme but de rendre l'Athènes une cité heureuse, a été condamné à mort. Personne n'a compris même pourquoi Socrate lui-même n'avait pas utilisé les moyens pour échapper à sa mort. Parce que c'était très facile de s'échapper. Alors, les disciples ne pouvaient pas aisément comprendre pourquoi. Pourquoi, d'une certaine façon, il a voulu être condamné. C'est bizarre. C'est pas évident du tout. On doit comprendre, je pense, deux choses. Première chose est que, à l'opposition de beaucoup d'autres philosophes, Socrate lui-même s'intéressait aux affaires humaines. Alors, il s'intéressait au public, il s'intéressait à la politique. Alors, en général, les philosophes pensent que la cité est une prison. Non pas Socrate. Socrate, la cité n'est pas une prison. Mais d'autre part, il ne voulait pas avoir un rôle politique spécifique. Il voulait avoir un rôle politique indirect. Alors pour lui, le procès était une occasion d'exercer ses rôles politiques indirects. Et même sa mort spectaculaire était une façon pour mettre un point, pour prouver quelque chose. Il a choisi une façon théâtrale. Je pense qu'il peut-être il pensait que c'est plus effectif, que le choc des Athéniens serait tel que peut-être la philosophie aurait convaincu le monde. Socrate voulait prouver que la philosophie n'est pas seulement une façon de réfléchir, c'est une façon de vivre. Mais c'est efficace. Et le fait qu'on parle maintenant de la mort de Socrate montre que c'était vraiment efficace, au moins dans l'histoire de la philosophie, des idées en général. Je pense que Platon n'aurait pas écrit de la même façon. Alors, Aristote n'aurait pas répondu à Platon de la même façon. Alors, qu'est-ce qui fait de cette mort l'événement majeur qui aurait fondé la philosophie occidentale? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse y voir quelque chose comme la scène primitive dans laquelle la philosophie aurait tiré et aurait trouvé son origine? Scène primitive dont Freud, qui a inventé le terme, dit lui-même qu'on ne sait pas si c'est une réalité devenue fantasme ou un fantasme devenu réalité. Ce qui est sûr, c'est que ce fantasme hante la philosophie. Qu'est-ce qui a été dans la parole de Socrate insupportable à cette cité de la libre opinion, de la libre parole, qu'était l'Athènes démocratique? Précisément, Athènes était bien la cité de la libre opinion, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen, et adulte, pouvait se dresser devant l'Assemblée et dire qu'il était d'accord ou pas d'accord pour telle ou telle raison. Comment Socrate a-t-il pu déchaîner contre son propre discours, sa propre manière de parler, une volonté non seulement de le proscrire, de l'exiler, mais de le mettre à mort? Je crois que c'est cette espèce d'acharnement à interroger, c'est-à-dire précisément à refuser à l'opinion d'être un savoir, à refuser à l'opinion son autorité. Socrate déclare que la seule chose dont il dirait qu'il la sait est cette différence entre l'opinion et le savoir. Et pourtant, Socrate est celui qui déclare aussi qu'il ne sait rien, et même qu'il n'est rien. Une opinion, on l'affirme ou on la nie. Et quand on l'affirme et quand on la nie, on croit savoir. On croit avoir de bonnes raisons de le faire, si vous voulez. Mais si on vous demande ces raisons, on s'aperçoit qu'en fait, ces raisons, vous n'êtes pas toujours et presque jamais capable de les fournir. Et si vous en fournissez, ce sont des raisons provisoires, des raisons qui dépendent d'un événement, de l'état, du moment. L'opinion est condamnée à changer. Elle ne peut pas se modifier, on en change, mais on ne les reprend jamais pour les modifier, les améliorer, les justifier. Or, Socrate dit justement qu'il ne sait pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce non-savoir qui connaît la différence entre le savoir et l'opinion? Son non-savoir n'est pas une simple ignorance, c'est pas purement négatif. Il est le ressort dynamique qui pousse à apprendre, à chercher et à prendre plaisir à apprendre et à chercher. Socrate, se lo desideri puoi esprimere le ultime volontà. Et en ce sens, il est aussi ce qui fait que lorsque on répond aux questions qu'on se pose, et pour Platon, la pensée, c'est ce va-et-vient entre s'interroger et se répondre. C'est cette parole intérieure, ce dialogue, il appelle ça le dialogue de l'âme avec elle-même, qui fait que je ne pense que quand je suis capable de faire mienne la question qui se pose. Si vous me demandez l'heure et que je vous la donne, il n'y a plus, comme on dit, plus de questions, plus de problèmes. Et c'est ce que vise l'opinion. C'est le fait qu'il n'y ait plus de questions, c'est-à-dire qu'on puisse se dispenser de questionner, de chercher, de penser. Alors, pourquoi a-t-il fait ce que lui reproche un de ses interlocuteurs, le jeune Calliclès, qui lui dit « Mais enfin, Socrate, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, toi qui n'as jamais fait que babiller dans un coin avec trois ou quatre adolescents ?» Et de fait, c'est ce que faisait Socrate. Et Socrate lui répond que « Oui, je n'ai jamais fait de politique telle que tu entends ce terme, mais moi, je m'en suis toujours soucié. » Alors, en quoi s'en est-il soucié? En ce qu'il pose, et pose pour à toute politique, me semble-t-il, la seule question qu'une politique ne se pose jamais. C'est-à-dire, que voulez-vous faire de l'homme? Que voulez-vous faire de ceux que vous gouvernez? Qu'est-ce que vous attendez de l'homme? Comment comptez-vous les nourrir, les élever, les rendre meilleurs? Qual è il destino migliore? Nessuno risponderà, se non la divinità stessa. Et si vous ne vous posez pas cette question et qu'ensuite vous vous plaignez de l'ingratitude de ceux que vous avez gouvernés, eh bien vous n'avez à vous en prendre qu'à vous, parce qu'il fallait justement les rendre meilleurs. Cette chanson parle d'amour et d'optimisme. Lorsque ceux-ci ne sont pas à construire, peu importe si l'espace est vide. Το εφήβρανε οι αρχιτέκτονες για αυτό το λόγο, να μην καίνε τα δάση και να μην χτίζουν. Αλλά, Από εκεί που κατάγουμε εγώ, κοντά κατάγεται ο Δημόκλητος, ένας άλλος επιστήμονας. Κατάγεται και ο Δημόκλητος. Φιλόσοφος παντογνώστης. Και πολύ κοντά ο Αριστοτέλης, που ήταν και καθηγητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Message fondamental de Socrate pour vous? Ben, ce qu'il dit lui-même dans l'Apologie, il dit une vie non examinée n'est pas digne d'être vécue. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la méthode socratique qu'on appelle l'alenkos, donc il faut examiner ce que l'on dit et savoir pourquoi on dit ceci et non pas autre chose. Par exemple, si vous voulez trouver une manière simple de comprendre toutes ces questions, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que le sacré, etc. En fait, on pourrait transformer cette question en la question « comment le sais-tu ?» En fait, tout le questionnement socratique consiste à demander à l'autre « comment le sais-tu ?» Et la réponse, s'il nous demandait « non », on aurait répondu « c'est ce que les Grecs pensent, c'est ce que pensent les Grecs ou les Athéniens, on me l'a appris à l'école ». Ou c'est ma mère qui me l'a dit, ou mon papa, ou enfin, l'instituteur. Et donc, ce n'est pas une bonne réponse. Parce qu'on n'a pas examiné pourquoi on croit que la vertu est ceci et non pas cela. Et en fait, la seule réponse que l'on peut donner, c'est qu'on nous l'a dit, on nous l'a transmis. C'est un enseignement transmis. Et Socrate refuse de transmettre un enseignement. Et où est-ce qu'on peut trouver ? Il est en cherche, il est en quête, en fait, de la connaissance. Et donc c'est ça, sa sagesse. Il faut commencer par là. Et c'est aussi une méthode de dialogue. On ne pense pas tout seul, entre quatre murs. C'est la philosophie même. Parce que sinon, la philosophie ne serait qu'un alignement de certitudes et finalement d'opinions. Et par conséquent, on pourrait dire que toute philosophie, à un moment, devient caduque, puisque c'était une façon de systématiser les opinions du temps et aussi de systématiser la façon dont cette époque-là concevait la réalité, le savoir, la vérité, etc. Bon. Or, s'il y a dans la philosophie quelque chose qui persiste et qui n'est pas dépassé, infirmé, rendu finalement inutile et inopérant, c'est bien cette voie du philosophe qui se cherche, qui continue à mettre en question ses propres méthodes, ses propres fondements, ses propres valeurs, ses propres certitudes. Je crois qu'en toute philosophie, il y a quelque chose, un écho de ce discours-là, qui est le discours de Socrate, qui est le discours inauguré par Socrate, qui est son type de discours, c'est-à-dire cette exigence qui fait que on ne pose a priori aucune limite à son propre questionnement, cette exigence de radicalité du questionnement. Ce Socrate, c'est vraiment le personnage du philosophe. Et ce personnage, philosophe, qui en grec jusque-là n'était qu'un adjectif, devient un nom, le philosophe. Ce que dit Foucault, c'est justement que la signification de cette mort n'est pas politique, qu'elle est philosophique, puisqu'elle est l'acte de naissance de la philosophie même, si vous voulez. Et si elle est l'acte de naissance de la philosophie même, c'est que ce qui est mis à mort, c'est précisément cette volonté du vrai et ce refus de tout ce qui est faux-semblant. Et par conséquent, cet acharnement qui va jusqu'au bout de lui-même, puisqu'il accepte la mort, sans se lamenter, et qui fait que c'est pour l'éternité. Et c'est cette vérité différente qui est une vérité qui, encore une fois, ne peut pas se prédiquer ni à un discours, ni à une chose, ni à un événement, ni à quoi que ce soit, mais qui est sa propre lumière, je veux dire, et sa propre puissance. Bon, c'est cela qui est mis à mort avec Socrate. Et par conséquent, c'est pour cela que la signification de cette mort est philosophique et non pas politique. Est-ce que je sais, moi, ce que je sais? Alors là, j'ai retrouvé Socrate. Yanis Kurtzakis. Mais Socrate, c'est un personnage qui me fascine, n'est-ce pas? Et qui me fascine de plus en plus avec le temps qui passe. À travers la culture populaire, j'ai trouvé un fil directeur qui nous unit à l'Antiquité. D'abord, ce fil, c'est la langue. On ne peut pas dire que c'est une langue morte. Pour moi, c'est des mots vivants. C'est vraiment des mots d'une vitalité extraordinaire et qui sont porteurs d'avenir. C'est pas des mots morts. Et en écrivant, cette source cachée ressurgit en moi et dans mon écriture, c'est ça. Les mots sont vivants. Et la langue porte le dialogue en elle-même. Donc Socrate, le dialogue de Socrate, je pense qu'il sort de ça. Je le découvrais par exemple, j'écrivais Cosmos et je me rendais compte que ce qu'on appelle Cosmos, c'est le monde aujourd'hui. Mais je me rendais compte que c'est tout autre chose que ce qu'on vous dit en France, le monde, n'est-ce pas? Parce que ce cosmos, c'est un ordre. C'est un ordre cosmique, justement, ce qu'on appelle l'ordre. Alors, je me suis rendu compte comment on est éloigné de ça. Comment notre monde moderne s'est éloigné de ça. Démocratie, démos, kratos. Démos, c'est le peuple, n'est-ce pas? Kratos, c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir du démos. L'économie, c'est nomos, qui veut dire d'abord partage et ensuite loi, de la maison, oikos. Donc, ça vous évoque tout de suite quelque chose de très concret, l'économie. Alors, c'est pas du tout les finances, l'économie. Et je pense que c'est un mot qui nous éclaire sur le présent et qui est plus qu'une nostalgie de passé, une nostalgie d'avenir, parce que on aimerait bien dans notre maison mondialisée qu'il y ait une loi de notre maison, de cette maison. Or, c'est tout le contraire qui se passe. C'est le chaos, n'est-ce pas? C'est l'anarchie. Et dans chaque mot, il y a un dialogue. Et le dialogue, c'est Socrate. Mais Socrate est fondamental. Je trouve que ce que dit Socrate, qu'il a une voix interne qui lui parle, le démon, le dieu qui parle en lui, bon, c'est la muse d'Homère, si vous voulez. C'est vraiment l'autre qui est en nous et qui parle en nous. Alors, je pense que la morale grecque, l'éthique grecque, si vous voulez, c'est tout le contraire de la morale telle qu'on la connaît à partir du christianisme. Pourquoi? Parce que c'est une anthropologie, c'est l'art de la bonne vie, du bien vivre, de ephzin, disent les anciens grecs. C'est cela, être la vertu, donc, avoir la vertu. Et je trouve que c'est très, très, très actuel actuellement. Lorsque vous dites, c'est pas par l'argent que vous parviendrez à quelque chose, ou en soignant vos corps, mais surtout en soignant vos âmes. Et ça, c'est pas. Alors, c'est la bonne vie. Lui, on lui propose de s'évader, il s'évade pas. Donc, il dit, condamnez-moi. Condamnez-moi, moi je suis le meilleur cadeau. Je suis le meilleur cadeau que les dieux ont fait à la cité. N'oubliez pas de faire ce sacrifice au Dieu, à ce Dieu qui nous aide à nous guérir nous-mêmes lorsque nous prenons soin de nous-mêmes. Michel Foucault au Collège de France, 1984. Ne pas oublier que si nous avons souci de nous-mêmes, c'est dans la mesure aussi où les dieux se sont souciés de nous. C'est en se souciant de nous que précisément ils ont envoyé Socrate pour nous apprendre à prendre soin de nous-mêmes. C'est cette mission concernant le soin de sa vie, de la vie, le soin de soi-même, qui a conduit Socrate à la mort. C'est ce principe de s'occuper de soi-même, qui lègue par-delà sa mort aux autres, et c'est au Dieu bénéfique pour ce soin de soi-même qu'il adresse sa dernière pensée. La mort de Socrate fonde bien, je crois, dans la réalité de la pensée grecque et donc dans l'histoire occidentale, la philosophie comme une forme de véridiction qui n'est ni celle de la prophétie, ni celle de la sagesse, ni celle de la techné. Forme de véridiction qui est propre précisément au discours philosophique et dont le courage doit s'exercer jusqu'à la mort comme une épreuve d'âme qui ne peut pas avoir son lieu sur la tribune politique. Voilà. Et bien, pardon de vous avoir retenu longtemps, merci. Merci à Monique Dixo, Yanis Kurtsakis, Dimitria Papadopoulou, Paulin Ismar, Claude Mossé, Takis Theodoropoulos, Eleni Perdicouri, John Kemp, Pavlos Kontos. Merci aussi à Odile Brier de la librairie Lexicopoleio à Athènes. Lecture de l'Apologie de Socrate par Denis Podalides. Prise de son Michel Gassic et Yves Le Horse. Mixage Manuel Couturier. C'était Socrate, mort et naissance du philosophe, un documentaire d'Élise Gruot réalisé par Angélique Thibault. Thank you. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast pour le jardin, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et demain, deuxième épisode, philosophe et religion, quand la pensée devient hérétique.